Nous ne sommes pas des animaux. On a commis des erreurs, fait du mal, j'assume mes défauts. Oh mamma mia, on a dû mouiller le maillot. On a dû sortir les moyens. Maintenant c'est nous que vous voyez. Ils ont essayé de me noyer. Ils vont avaler le noyau. Le train est passé devant eux. Les chats n'ont fait que d'aboyer. 14 ans, je rentre en stud. 18 piges, j'arrête les études. À 20 ans, millions de vues. Aujourd'hui, nègre, je suis dans le truc. Tu n'es pas comme les autres. Fais-nous sortir de la galère et ne compte pas sur les nôtres. Pour m'arrêter, il faudra qu'il sorte les barrières. Bélier, moi je vais dominer. Chercher les papiers, la monnaie. Mais que faut-il faire? Quelle est ma route? Quels sont les bons lieux? Paris 16e ou sa banlieue? La rue c'est bien, mais c'est ennuyeux. 14 ans, je rentre en sud. J'arrête les études. À 20 ans, millions de vues. Aujourd'hui, nègre, j'suis dans le truc. On l'a fait, ma gueule.